Comme je vous l'avais décrit, une musique forte retentit. Vous êtes entré descendant les petites marches, arrivant sur une espèce de petite scène de métal, sur lequel se trouve d'ailleurs un présentoir à bougies et un cadavre sur votre droite. Ce cadavre, pour rappeler un peu, vous avez effectivement choqué par effectivement des symboles dessinés sur lui, avec effectivement au couteau. Vous montez du coup sur l'estrade et alors que vous avancez, j'aimerais demander à Esther son ressenti. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont tes sentiments à l'heure actuelle? C'est très ironique de retrouver un gérant théâtre mort de cette manière. Assez intriguant aussi. On aurait justement presque l'impression d'être en face d'une genre de mise en scène. Et n'ayant pas vraiment de lien avec cette personne, j'aurais que je suis pas plus attristé que ça de voir un cadavre. Donc. Oui, c'est compréhensible. Du coup, vous avancez. Et vous êtes du coup tous les quatre sur l'estrade. Hugo s'adresse à vous disant que finalement, il va aller quand même revoir le petit Iron. Il ne fait pas tout à fait confiance, il aimerait éviter qu'il disparaisse maintenant, étant donné que la dernière fois, il y a quelques minutes, il semblait quand même assez hostile envers vous, donc il préfère l'avoir à l'œil. Et va tout simplement aller le surveiller à l'extérieur de la salle. Il vous reste vous trois. La salle est entièrement vide. Vous êtes juste éclairés par les bougies derrière vous, qui sont en train de fondre, la cire tombant, et le cadavre face à vous. Qu'est-ce que vous faites? La musique qui a été jouée, elle a été jouée à notre entrée ou elle a joué avant dans la pièce? Elle jouait avant. Ok, d'accord. Parce que sinon, je serais parti en courant vers là où la musique est jouée. Non, elle jouait avant. Comme je l'avais dit, vous l'entendez un petit peu au moment d'arriver vers la porte et au moment où vous l'avez ouverte, c'est là que vous l'avez bien entendu. Donc là, avec nous en ce moment même, on a quelqu'un avec nous ou on est juste tous les trois? Alors, vous êtes que tous les trois. Et on a le corps en face de nous. C'est ça. Avec ces fameuses entailles, enfin, ces espèces de. Oh. Est-ce que le symbole ou quelque chose Les symboles, oui. Dit quelque chose, oui. Bah, c'est une très bonne question. Tu peux faire du coup un test de Urba Technologie. Ah, attends. Pas de bêtises. Je veux juste vérifier que. Ah, dis-moi, c'est pas, je dirais. Là, ouais. Non, oui, c'est bien ça. C'est bien Urba Technologie. Donc on fait tous un jet d'Urba. Bah, ceux qui se renseignent du moins sur ce symbole, oui. Dans leur mémoire, en tout cas, là, je me dis, est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que ça m'évoque quelque chose? Vu que la ville tourne vachement autour justement des symboles que les gens ne savent pas lire, peut-être que... Tout à fait, très bonne remarque. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gangs dans les petits quartiers? Des gangs, ce serait pas le mot. Tu pourrais plutôt employer guild. Oui, guild, oui, c'est vrai. Et est-ce que c'est dans qu'ils leur... sont pas vraiment des gangs, mais... Oui, c'est vrai. Certains s'y rapprochent. Qui s'en rapproche le plus en effet. Est-ce que ce serait dans leur genre de comme ça tracer par exemple les marques d'un territoire dans lequel un opposant se serait introduit ou autre? Écoute, je vais y réfléchir un petit peu. Alors, je vais répondre du coup grâce à vos jets de dés. Du moins, toi, Esther, tu n'as jamais vu ce dessin, ni de proche ni de loin. Il te dit rien pour le coup. Victor, toi, ça te rappelle une vague histoire que tu as déjà entendue, mais tu ne sais plus où, peut-être en bas, peut-être en haut. Est-ce à ton lieu de vie? Est-ce que c'était pendant une de tes habituelles descendre dans la basse ville, rejoindre ceux auxquels tu sens le plus proche? Mais ça te rappelle une vieille histoire d'un tueur fou qui faisait ça, dont beaucoup stipulaient que finalement il n'y avait aucun sens à lui donner, c'était juste un psychopathe parmi tant d'autres. Kornilov, tu te concentres un peu? Et si au début, ce dessin ne te dit rien, toi aussi vient une vieille... Oui, une vieille histoire. Cette histoire, toi, tu sais plus ou moins où tu l'as entendue, hein, puisque c'est tout simplement dans ton quartier, là où tu vis. Ah. La note, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le glyphe. Le glyphe, autant pour moi. Ça va être un de tes amis qui habite à la note. Il y a un artiste qui a 5 ans de ça, est devenu fou. C'est soi-disant, hein, du moins de ce que t'en as entendu, à cause d'une affaire qu'il mêlait au ministère de la propagande. Et depuis, on raconte qu'il tuerait tous ceux qui lui rappellent physiquement son défunt frère. Physiquement ou mentalement, d'ailleurs. C'est plus ou moins une histoire qu'on t'a racontée, on te parlait de symboles dessinés. Ah. Autant Kornilov que Victor, vous pouvez pas effectivement affirmer que ce symbole est exactement cette représentation-là, mais des descriptions que vous avez déjà entendues autour d'une petite absinthe le soir, c'est peut-être ce qui vous fait le plus y penser. Je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait qu'on se concentre, de toute façon, puisque c'est les seules vraies pistes à l'heure actuelle qu'on a. Peut-être, du coup, Kornilov, essayer de faire un tour dans ton quartier. Attends, parce que du coup, c'est justement la question que j'avais. C'est dans mon quartier, du coup, ou c'est dans le quartier de l'ami qui est dans la note? Non, c'est dans ton quartier, oui. D'accord, c'est dans le glyph. Oui. Oui, okay. Du coup, peut-être faire un tour dans ton quartier et essayer de questionner un peu les gens qui seraient susceptibles d'avoir des informations là-dessus. Ça peut se faire, oui, mais qu'on parte pas trop vite non plus, et je pense qu'il y a sûrement des choses... Non, là, Gira, c'est une des pistes qu'on a. Une piste en visage. Alors, on peut la noter sur une plaque de cuivre. À chose à Comment faire. Est-ce que vous écrivez le nom du quartier? Glyph, je te l'écris. Je veux bien. Je te remercie. En effet, je l'aurais extrêmement mal écrit si j'avais dû le faire. On est parti sur un GLIF. Très bien. En tout cas, voilà ce que vous parle ce symbole. Que fait-il? Okay. Moi, je veux regarder aux alentours de manière attentive, disons, en fouillant légèrement, voir s'il y a des traces de lutte, je dirais. Quelque chose qui s'est... Est-ce qu'il a été déposé là? Est-ce qu'il a été flingué là? Très bien. Déjà, très bonne question. Est-ce qu'il a été flingué ou pas? Parce qu'après tout, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment vérifié de quoi il était mort. C'est vrai. Vous avez juste des dessins. C'est vrai que... C'est normal que vous voyez les dessins en premier, puisque c'est ce qui sort de la normalité, mais c'est intéressant de savoir s'il a été flingué ou pas. Mais du coup, tu cherches au niveau de la scène, ou est-ce que tu vas essayer plutôt d'aller dans l'arrière? Les coulisses. Aux immédiats du cadavre, pour commencer. Très bien, tu commences sur la scène. Tu vas me faire, du coup, s'il te plaît, dès que j'ai... Pourquoi j'ai perdu ma souris? Attendez. Mais un mot de fromage. Ah. Tu vas me faire s'il te plaît du coup un jet. Alors tu. Ça va être de pugil. Pendant ce temps-là, j'examinerai le corps. Très bien. Dis-moi ce que tu extermines un peu en détail, que je sache. D'accord. Excusez-moi. Tu cherches des scènes de lutte, hein, en tout cas physique, et il n'y a rien qui ressort en fait de ta vision, hein, tout ce que tu vois autour de toi, Finalement juste du parquet. Il y a de beaucoup de cire fondue au niveau du bougeoir, mais le reste est extrêmement propre, extrêmement clean, si je puisse m'exprimer ainsi. Pour ma part, comme je te dis, je vais pendant que Kornilov était en train d'analyser la scène de crime, je vais pour le coup moi essayer d'étudier le corps de la personne et de savoir ce qui lui est arrivé réellement et comment il est mort. Alors, je vais avoir besoin d'une question plus précise, parce que ça me permet d'expliquer aussi un peu le système et comment fonctionnent les enquêtes dans les crimes. D'accord. Il n'y a pas de compétence, vous l'avez vu, soit médecine ou une compétence générale. J'ai oublié comment ça s'appelle, tellement qu'elle n'est pas là. Vous savez, genre les sens. Quand il y a un sens qui vend, genre est-ce que tu vois ça, est-ce que tu entends ça, enfin, bref. Il n'y a pas écouter, voir. Perception, merci. Et il n'y a pas de perception. Donc je ne peux pas vous faire un jet général de est-ce que tu remarques qu'il y a quelque chose. D'accord. En fait, comment marche les crimes, c'est quand on questionne quelque chose, on questionne directement votre domaine. Par exemple, Kemao, à l'instant actuel, Kornilov, vient de chercher est-ce qu'il y a des traces de combat. Il a fait un test de combat pour savoir s'il a repéré des traces de combat. Ça fonctionne comme ça. Donc si tu me demandes juste je regarde, je vais dire tu regardes. Mais dans ce cas-là, je ne te fais pas de jet, et il y a très peu de chances du coup que je te donne des choses intéressantes. D'accord, alors comment essayer d'arriver à... Qu'est-ce que tu cherches ? Déterminer... Dis-moi exactement ce que tu cherches. Savoir comment il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué ? La cause de la mort, par exemple. C'est déjà une bonne chose, voilà. Par exemple, a-t-il été trucidé par un flingue ou un couteau ? C'est déjà une bonne chose. Dans ce cas-là, tu vas me faire un test... tu vas me faire deux tests. Un test de pugilat et un test de tir. Alors déjà, en pugilat, j'ai 5. Déjà, on va pas savoir grand-chose. Et en test de tir, j'ai 7. Ce sont tes résultats finaux ? Oui. Tu as bien pensé à additionner à tes... Oui, malheureusement. Pas sûr. Non, parce que ça pouvait être des résultats de jet de dés normal. Non, malheureusement. Ok. Tu regardes. Et tu ne sais pas s'il est mort ou est de coups ou quoi. Par contre, tu remarques quand même une chose, parce que tu as quand même des yeux. C'est... Oui, moi aussi, j'ai cru ça au début. Excusez-moi, je cherche juste un petit détail sur deux. Oui, c'est bien ça. Tu remarques qu'il y a une balle, il a été trouvé, ça tu peux le voir avec tes yeux, au niveau de la gorge. Donc il a une balle dans la gorge. C'est ça. Ce qui peut être un peu gênant pour être en vie. Effectivement. Un peu après, gênant. Il est mort de coup, il a été tiré après, est-ce qu'il a été tué directement par la balle, d'accord. Puis après, ça tu ne peux pas le déterminer. Mais j'en fais part à mes camarades en tout cas, Cornilo, Esther, comme vous pouvez le voir, je viens de voir qu'il avait une balle dans la gorge. Alors, je doute encore un peu qu'il soit mort de cette balle tirée dans la gorge, donc si vous pouviez vous me donner votre avis. Ça serait très sympa. Alors moi, a priori, pendant ce temps-là, je suis pas là parce que du coup, ce qui est censé se passer en même temps, je voulais fouiller le théâtre entier, enfin, à la recherche d'indices. Le théâtre entier ou les coulisses, je veux dire, derrière Plutôt la scène puis les coulisses. Déjà, la recherche d'une quelconque entrée des artistes. Je pourrais par exemple tomber sur une porte qui aurait été forcée. Et si c'est pas le cas, ça pourrait nous donner des indices sur comment la personne est-elle rentrée, est-ce qu'elle est rentrée par devant, est-ce qu'elle avait un accès, par exemple, à l'entrée des artistes. je voulais également chercher, un petit peu les indices un peu classiques de, par exemple, un truc que le criminel aurait pu laisser tomber derrière lui. Je vais commencer par un jet de représentation. Avec un indicateur de plus 2, tout ça, tu me donnes le résultat et moi je te dirai ce qu'il en est. Ok, ça fait 8 avec le modificateur, heureusement. Non, 6 avec le modificateur. J'ai fait double 1, j'ai 2. D'accord. En fait, c'est-à-dire que le théâtre, c'est pas trop ton truc, donc chercher une entrée des artistes ou quoi, ça te paraît un peu compliqué. tu sais pas vraiment où, comment tu t'en sors, c'est-à-dire que une fois que t'es passé derrière, en dehors de la scène, tu te retrouves au milieu de loges que tu n'as jamais vues jusqu'à aujourd'hui, et en fait, tu cherches, mais en même temps, t'es en train de découvrir tellement de choses que c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui dénote de la réalité, de ce qui est censé être normal, et qu'est-ce qui est finalement juste normal à sa place. Donc c'est un peu compliqué de sortir des indices de ce niveau-là. Et donc, au bout d'un moment où tu auras fait le tour, parce que ça fera du coup un cercle qui te permet de passer d'un côté à l'autre de la scène, quand tu auras fait le tour, tu reviendras rejoindre tes amis qui sont en train de discuter depuis, je pense, quelques minutes, parce que tu prends quand même du temps pour faire la scène, vis-à-vis du coup de cette balle retrouvée. D'ailleurs, dites-moi vous tous les deux, parce que du coup vous êtes à deux, cette discussion, qu'est-ce que vous en sortez ? Est-ce que c'est simplement un trou, genre la balle, est-ce qu'il y a du sang aussi ? Genre ça. Oui. C'est vraiment un trou avec du sang. Les vêtements sont tachés. Il va nous répondre. Les vêtements sont effectivement tachés. Il y a eu une éclaboussure de sang. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que le dessin n'est pas que fait au couteau. Et beaucoup, en fait, utilisaient le sang visiblement de la blessure pour déterminer des détails dans le dessin, faire des contours, etc. Donc il y a un mélange de blessures ouvertes et de blessures... Enfin, et de non-blessures, du coup. Ces vêtements, c'est quel genre de vêtements ? Est-ce que c'est des vêtements qu'il aurait quoi, s'il était dans un théâtre, justement, s'il bossait, s'il était chez lui Alors, les vêtements... ce sont des vêtements effectivement de vie tous les jours qui te marquent un peu parce que ça te rappelle un peu les vêtements de Sophia. Il y a un côté très traversier dans ces vêtements. Il n'est pas dans une tenue ouvrière, il n'est pas non plus dans une tenue de la haute. Il est vraiment dans cette tenue vraiment de protection du froid, etc. Comme sont très habitués les traversiers qui, eux, sont en contact du vent H24. Du coup, c'est sa tenue pour te répondre. Mais d'après moi, cette balle est bel et bien la cause de la mort. vu que le sang a l'air d'avoir été répandu, c'est que ça a été fait quand il était vivant ou alors très rapidement après sa mort. Ok, donc on pense la même chose alors. Ouais. Moi, j'en étais pas sûr, mais je préférais avoir votre avis. Et qu'est-ce que ça a donné de ton côté, Esther ? T'as trouvé des choses ? Des costumes et encore des costumes. Ouais. pas grand. Classique dans un théâtre, quoi. Ouais, il semblerait. Ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus et qui permettrait de nous guider, nous indiquer. L'homme à l'extérieur, par exemple. C'est dommage d'être spécialiste en théâtre et dehors. Eh oui. Que dire ? Est-ce que, à la limite, il faudrait peut-être aussi voir si on a la possibilité de connaître l'entourage de la personne. Si peut-être elle était en bise-bise avec certaines personnes. Des gens qui pourraient lui en vouloir ou qui voudraient le tuer, je ne sais pas, hein, peut-être. Ouais, il faut qu'on aille à son bureau. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi. S'il est en business avec des gens, c'est là où il y aura la plupart de ses papiers. Et si ça a été fouillé, on sait qu'il y aura sûrement des. Si on a checké, mais est-ce qu'il possède bien tous ces effets de type argent ? Oui. Pièce d'identité. on a pas l'air de l'avoir volé. Vous fouillez ? Et effectivement, alors, Une pièce d'identité, c'est une petite plaque généralement. Ouais. Mais du coup, il a effectivement des poches normalement remplies. Il y a une petite bourse avec deux liches dedans. Ouais. Quelques sous surtout. Donc c'est pas pour de l'argent qu'on l'a tué, quoi. Ce n'est pas un meurtre. Disons, on n'a pas voulu le dérober. On aurait pu, par c'est prémédité, quoi. Prendre ça pour même autre chose que l'argent, mais en tout cas, a priori, on n'a pas l'air de l'avoir volé. Donc c'est bien prémédité, c'est quelque chose qui a été voulu. Ouais, et puis le symbole laisse penser que c'est pas une cible prise au hasard. Après, je vous mets quand même en garde que il ne faudrait pas que les symboles soient là pour troubler notre perception du meurtre. On peut très bien imaginer que la personne, pour nous fausser l'enquête, mette ces symboles qui n'ont peut-être rien à voir avec le réel tueur. Oui, pour lui mettre le meurtre sur le dos. Voilà, mettre ça sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est vrai que pour moi, fouiller son bureau est en effet une très bonne idée. Ouais, bah allons-y alors. Vous sortez de là et vous allez du coup retrouver Hugo et Aaron en plein de discussion. Son bureau est dehors. Bah justement, vous sortez chercher son bureau peut-être. Parce que là pour l'instant vous avez juste une scène devant vous. Nous sommes d'accord. Et je rappelle que dehors, je voulais dire en dehors de la salle, parce qu'au moment où vous êtes rentré, Aaron vous avait accompagné jusqu'à l'accueil. Ok, d'accord. Il y a ce fameux hall où il y a On sort de la salle la salle. J'ai cru qu'on sortait du théâtre, ok. Non. On sort de la salle pour se rendre vers son bureau. Et du coup, vous sortez. Il y a Aaron, hein, tout simplement, assis au niveau de la petite lotisse qui sert en fait d'accueil, où il se met dedans pour accueillir les gens. Et Hugo qui est en train de le toiser sans forcément lui parler, mais il y a un petit courant électrique dans l'air. J'en profite, vu qu'on repasse devant. donc je salue Hugo une deuxième fois, même si on s'est vu. Mais, enfin, je lui explique vite fait ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé. Et que, effectivement, Fautus, c'est ça, Fautus a été donc effectivement tué par balle, hein, une balle dans la gorge. Et du coup, je regarde Aaron et dites-moi, Aaron, est-ce que vous savez si votre patron était en comment dirais-je en désaccord ou en conflit avec avec des gens, peut-être des ennemis, des gens qui vous voudraient du mal. Difficile à dire, vous savez, c'était un homme très aimé. Bon, il a eu 2-3 histoires ci et là, mais je ne sais pas si, si vous retrouverez. Dites-nous toujours quelles histoires. Je sors mon calepin avec un petit stylo. Je vous ai déjà dit un nom aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit prudent que je vous en dise d'autres. Je ne sais pas à quel point vous pouvez prudent, être violent. Nous sommes là pour enquêter, donc je pense que tous les noms seront là pour établir les suspects. Bien sûr. Je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Bon, allez voir si vous voulez. Monsieur Auguste Vachet, si vous le trouvez. Auguste Vachet. Qui c'est exactement, ce Auguste Vachet? Vous ne savez pas qui c'est? Vous n'avez pas beaucoup de... Bon, enfin, je ne suis pas là pour ça. Il a été l'ancien gérant de ce théâtre. Et maintenant, il travaille plutôt dans le théâtre de la Haute. Vous connaissez le théâtre du masque. Oui. Ouais, je crois qu'Hugo en a parlé. Bien sûr. C'est, il faudrait que vous y passiez, c'est quand même le plus prestigieux de Venise. Je n'ai pas rien, je rappelle que vous êtes dans une cité des arts. Oui, quand même, après, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai quelques problèmes avec les artistes. Mais je ne m'éterniserai pas sur la question. Soit. Bien étrange de venir ici. Bien, enfin, du coup, travail, il gère maintenant le théâtre du Mas. C'est un homme dénicheur de talent, dirons-nous. Je ne sais pas. Dirait-on. D'accord. Et personne d'autre ? Je crois pas. Je vous l'ai dit, hein. C'était vraiment quelqu'un de très aimé. Il avait très peu d'ennemis, hein, je veux dire. Lui, à partir du moment où une personne dédie sa vie dans un théâtre populaire pour fournir de l'éducation et du divertissement à des jeunes enfants gratuitement, je comprends pas comment il pourrait s'attirer tant d'ennemis que ça. C'est vrai. Le cœur sur la main. Et sinon, est-ce que vous auriez noté peut-être des choses inhabituelles, quelque chose que ne faisait pas avant et qu'il aurait fait ces derniers jours, ou un comportement un peu suspect ? Absolument pas, non. Absolument pas. Écoutez, je me tourne vers vous, hein, Esther. Kornilov et Hugo, et genre un signe de tête pour si vous avez des questions. La musique, elle était là quand le corps a été découvert. Je vous l'ai dit, je n'ai pas découvert le corps, je ne sais pas, mais je suppose que oui, il n'y a aucune raison qu'elle l'ait mis. Le disque tourne en boucle depuis des heures. D'ailleurs, une fois que vous êtes terminé, prévenez-moi que je contacte vos supérieurs et qu'ils s'occupent enfin de retirer ça d'ici. Nous y veillerons. Merci. Ok. Est-ce qu'on a demandé l'adresse de la victime ? Où est-ce qu'il habitait ? Dans un petit Audi avec son homme. Je vous donne l'adresse. Vous voyez qu'il se lève, qui va dans son petit truc. Il sort plein de petites plaques de cire. Et on sort une. Ah, voilà. C'est bon. Là, c'est l'identité de l'homme avec qui il vit, mais c'est la même adresse. Ils vivent ensemble. D'accord. L'identité, c'est quoi ? Bien sûr. L'identité, c'est bibibibiboum. Désolé, mon ordi rame, du coup, c'est pas pratique. Voilà. C'est une petite plaquette de cire avec, coup, juste son nom, prénom et l'adresse. C'est lui qui l'a écrit à l'instant ou il l'avait déjà ? Non, il l'avait déjà. D'accord. C'est quoi qu'il y a noté dessus, du coup, vu qu'il y a l'adresse de son mari, alors ? À la victime ? Alors, j'ai justement... Hop ! Ça, c'est le nom, et en dessous, il y a marqué une adresse que je n'ai pas prévue, mais une adresse. Mais j'ai pas envie de dire une date, enfin une adresse aussi, parce que je commence à créer une logique dans la cartographie que je vous donne, donc je vous donnerai une adresse officielle plus tard. Ouais, surtout, en fait, j'ai commencé à créer beaucoup trop de noms de rues, et maintenant j'ai peur qu'en improvisant, je redonne un nom qui existe déjà et que je crée des incohérences là où il n'y en a pas, donc. Et comme j'ai oublié de donner cette adresse-là. Okay. Je vous le donnerai en post-session. Comment ça se fait que vous possédez on va dire un document en cire portant le nom et l'adresse de son homme ? Ah, c'est le document des personnes qui nous aident, des bénévoles, mais qui nous aident plutôt financièrement. Disons que ça nous permet d'avoir toujours un classement. Comme vous pouvez le voir, tout en bas, au dos, il y a marqué la somme que nous lui devons, et en fait, comme ça, nous gérons entre services, argent, et ça nous permet de jamais se perdre dans les notes. Parfait. Okay. Vous savez, tenir un théâtre populaire, c'est beaucoup de bénévoles et d'argent à perdre. D'ailleurs, à ce compte-là, comment se porte le théâtre. Tout va bien, les salles sont combles à chaque fois, les pièces, enfin... C'est un théâtre populaire, nous ne parlons pas en sable comble, juste nous organisons ci et là des événements qui permettent à des enfants défavorisés et des gens sans le sou de pouvoir passer une soirée agréable, culturelle et au chaud. Donc oui, on peut dire qu'ils se portent bien, si vous parlez de bénéfices, nous sommes populaires, tout est gratuit. D'accord. Nous n'en faisons pas. D'accord. Bien, mes chers collègues, je pense que je vais vous laisser aller observer le bureau. Je vous conseille de chercher pour aussi les traces de quelqu'un qui aurait fouillé. Ça peut donner une idée sur Tout à fait, oui. Et moi, j'ai bien envie d'aller très très vite dans la salle où la musique est jouée. Enfin, la salle des musiques, je sais pas, la salle du son. Ça a l'air de t'intriguer, en effet. Ouais, avant que quelqu'un ne passe et ne nettoie tout ça au cas où. Je suis désolé, je vous ai entendu, mais vous avez parlé de bureau, mais nous n'en possédons pas ici. Il n'y a rien où il peut, où il tient ses notes, quelque chose. Nous partageons cette petite loge dans laquelle j'accueille les gens. C'est pour ça que c'est moi qui possède les plaques de cire. Mais vous avez vu la taille du bâtiment. Nous avons à peine réussi à faire tenir trois petites salles dedans. Donc, on n'a pas vraiment le luxe de placer autre chose. Vous avez accès à tous ces documents, alors ? Oui, enfin, les documents qu'il laisse ici, la plupart du temps, soit de toute façon c'est de la gestion orale, soit c'est lui qui les a sur lui. Mais est-ce que vous pourriez nous montrer tout ça ? Vouloir sa mort. Vraiment pas, encore une fois, je vous le dis. C'était un homme gentil, qui n'avait pas d'ennemis. Vu que vous côtoyez son... On va dire, du coup, la même loge... il doit vous parler quand même de ses problèmes ou autre, de... Est-ce qu'il a même un accrochage avec qui que ce soit, quelque chose qui... Oui, nous discutons beaucoup et c'est pour ça que je vous l'ai dit depuis tant de minutes, mais il y a aucune idée de pourquoi tout ceci, je vous le dis, c'est un homme qui a le cœur sur la main, qui n'y a pas vraiment de problème, son plus gros problème, c'est de vivre sans le sou, mais c'est le cas de nous tous ici. Et nous gérons comme nous pouvons. D'accord. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous montrer les documents, enfin ceux qui existent, du moins, hein, puisque vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup d'oral, mais ceux qui sont disponibles pour qu'on puisse jeter. Oui, c'est ceux juste ici, dans la loge, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, vous savez. Alors on ne sait jamais, des fois, pour un œil expert, de petites choses peuvent paraître très intéressantes. Nous sommes des professionnels, vous savez. Exactement. Vous faites rentrer dans la petite loge. à deux, vous prenez toute la place de la loge. Elle est vraiment très petite. Et du coup, vous rentrez à deux et vous allez pouvoir observer pendant que... C'est ça. Chacun se prend un coin et c'est bon. Kornilov, toi, tu te diriges du coup vers l'arrière-salle qui en fait gère du coup la musique jouée sur scène. vous deux, juste pour savoir, avant que je passe à Kornilov, qu'est-ce que vous cherchez exactement Du coup, en fait, pas grand-chose, parce que finalement on y va parce qu'on avait dit qu'on irait, mais... Je pense pas qu'on puisse des documents qui seraient susceptibles peut-être de avoir un lien même minime avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc ou alors l'absence de quelque chose qui devrait ou l'absence de tellement d'éléments à l'extérieur de voir c'est pas vraiment une piste qu'on est en train de suivre. Et justement, j'allais te demander qu'est-ce que le protocole nous demande de faire dans ces cas-là. Notamment par exemple par rapport au fait qu'il y a un cadavre. Est-ce qu'il faut qu'on le décale C'est... Pour le coup, je vais un peu extrapoler parce que, encore une fois, sur cette mission là, on vous a rien dit. On vous a dit, vous avez une mission et vous êtes arrivé là. Ça... Vous avez jamais c'est un protocole normalement. Mais de ce que vous savez, grâce à vos études notamment, si on ne vous indique pas l'ordre de s'occuper de dégager les lieux, ce n'est pas à vous de le faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous devez prévenir quand vous avez fini à Aaron pour que lui aille prévenir d'autres métropolites pour qu'ils aillent. Il a dit qu'il y a contacteur national. Ok, parfait. Mais voilà, c'est après ça va toujours dépendre de la situation. Des fois, en fait, en mission, on va vous dire bon, bah là, virez toute preuve et vous devrez le faire. Quoi. Très bien. En tout cas, du coup, pour ceux qui cherchent des documents susceptiblement problématiques, ce sera dans un jet de traumatologie, s'il vous plaît. Quant aux autres, ce sera plutôt un jet de maraude. Quand vous faites vos jets, je vais passer à Kornilov. Kornilov, tu vas du coup dans l'arrière-salle. Et dans l'arrière-salle, tu entends évidemment la musique se jouer. Tu rentres du coup dans cette arrière-salle. En fait, tu peux y accéder par n'importe quelle salle. Ou par un petit couloir en fait qui passe par l'extérieur. Et en fait cette petite salle permet de gérer la musique entendue sur chacune des trois scènes. Et en fait cette salle-là est très grande en fait, puisqu'elle fait toute la longueur du bâtiment. Et t'as des petites baies vitrées qui te donnent en fait vue sur les trois salles. Ce qui te permet d'ailleurs de voir que les deux autres salles sont totalement noires, obscures et qu'il n'y a absolument rien. Et du coup... tu avances et parce que je suppose que tu t'intéresses, là pour le coup j'extrapole parce que ça me semble évident, bah du coup à la musique qui est jouée dans la salle dans laquelle il y a le cadavre, tu me dis si je me trompe. Hein. Enfin s'il y a des musiques qui jouent dans les autres salles, pourquoi pas, je crois pas. Mais effectivement, dans ce cas je te l'aurais indiqué, mais là pour le coup, la seule chose en fait qu'il y a dans cette arrière-salle, c'est effectivement un gramophone, un lecteur tout simplement, qui est en train de jouer, et c'est celui-là qui est à côté d'un tableau de bord avec du coup gravé dessus un numéro, qui est numéro 1, et qui du coup est en train de jouer, et tu vois le disque tourner, et le gramophone jouer la musique par tout un système de tuyauterie pour que la musique ne soit pas diffusée dans l'air-salle, hein, mais que du coup elle longe les murs et soit diffusée dans la salle. Malgré tout, tu entends quand même un minimum, tu vois. Genre, c'est étouffé, mais tu entends quand même que c'est joué. Et tu te dis que d'ailleurs, le mec qui est là en train de travailler pendant 4-3 pièces qui se jouent doit avoir le cerveau explosé. Ouais. La pièce a l'air d'avoir été dérangée. Il y a des choses qui ne sont pas à des places, disons, auxquelles on peut les atteindre. Est-ce que. Quand même faire. Les CD. Les fameux CD, enfin les. Comment on les appelle ? Les disques ? Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont été. Ils doivent avoir une réserve de disques ou quelque chose comme ça ? Quel jeu je fais ? Ça aide dans créativité, pour voir si tu gères bien ça. Ok, c'est un 6. Très bien. Tu ne sais pas du tout s'il y a quelque chose qui est mal rangé. Encore une fois, quand tu connais pas comment ça fonctionne, bah tu vois juste des choses et t'es incapable de dire ce qui est anormal et. Est-ce qu'il l'est mais en tout cas, tu as effectivement raison, il y a une réserve de 10, ça c'est sûr, et en fait ils sont tous empilés sur une énorme tige de fer, et dans lequel en fait ils empilent par le petit trou qui est au milieu. Et en fait du coup, bah voilà, c'est empilé, et ça, il y a deux petites colonnes de CD. Elles sont bien en place. Effectivement. Le disque qui tourne actuellement, est-ce qu'il a quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il a par exemple été... signé tout comme le cadavre par exemple. C'est alors pas du tout, c'est juste un simple disque de cuivre. Et la seule différence entre guillemets, c'est que du coup dessus il y a le numéro de la musique, enfin le nom de. Non même pas, excuse-moi, je dis une bêtise, ça c'est parce que j'ai pas la bonne illustration sur. Il n'y a pas de justement c'est un petit fait intéressant à remarquer, mais il y a rien de gravé sur le nom de la musique ou de l'auteur, ce qui normalement est le cas. Ok. Il va falloir que j'aille chercher Monsieur Aaron Highsmith, parce que je ne m'y connais pas spécialement en musique, et j'aimerais savoir si déjà ça fait partie de sa collection, et quel est le nom de la musique, qu'est-ce qu'elle signifie. Ok. Bah du coup, tu te mets en route pour aller le chercher, et pendant ce temps-là, on va repasser à nos chers amis qui se trouvent ailleurs. Dans la petite loge, du coup, de ça. Je regarde du coup les statistiques. Alors vous avez fait tous les deux les deux jets, très bien. ok. Du coup, réussite. Et. Oula, 6 et 9. Mais dis donc, toujours pas en forme, mon cher Charlie. Je pense que là, début de partie, ouais, en fait, c'est pas trop la forme. Mais bon, il y a quand même une réussite, donc ça va. Ouais. En quoi ? Ma route passe. Ma route passe. Et du coup, ce que vous observez. Quant aux documents qui pourraient être sensibles, il n'y en a véritablement aucun. Ça, c'est sûr. Ça, pas du tout. Victor, tu en es sûr. Il n'y a aucun document qui est sensible, parce que en fait, tout ce qui est là est assez banal. Ce sont des textes qui sont gravés et avec marqué toujours au dos des petites indications de à apprendre par cœur avant telle date pour faire fondre la cire et du coup tu t'en doutes pouvoir réécrire par-dessus des textes. Il y a effectivement les documents que de toute façon vous avez déjà connaissance qui sont tout simplement la liste des personnes qui participent bénévolement et gratuitement avec de l'argent, etc. à l'aide de faire tenir du coup le petit théâtre rouge et tout le reste en fait est très banal dans les documents, donc rien de sensible. Pour ce qui est de est-ce qu'il manque quelque chose, eh ben vous vous dites que déjà vu la taille de la place, c'est pas gagné. Vous êtes à deux, vous prenez déjà toute la loge. Honnêtement, s'il manquerait quelque chose, c'est soit ça saute aux yeux, soit c'est clair que c'est pas le cas. Et de toute façon, Aaron aurait dû vous en parler. Donc là-dessus, vous vous dites que il y a peu de chances qu'il manque quelque chose parce qu'il y a très peu de place et déjà vous êtes très serré. Alors, vous dites qu'il devait y avoir, s'il y a quelque chose en plus, ça serait encore vraiment difficile à vivre. Donc ça vous semble être déjà au maximum de. Au maximum. D'accord. Oui. Alors j'indique, petit RP, désolé. TKT Charlie, tu n'es plus obligé de écrire tes réussites. Je le fais de mon côté pour mettre à jour directement vos expériences. Ça sera plus simple pour vous et moi je gère. Voilà. Kornilov, du coup, tu rejoins tes amis et tu retrouves encore une fois Aaron assis à la même position, toujours toisé électriquement. Par Hugo et tes deux amis en train de fixer un peu, de chercher, fouiller dans la loge. Kornilov, je te laisse, c'est à toi. Monsieur Smith, j'aurais besoin de votre aide dans la salle de la musique pour identifier le son qui joue. Bien sûr, je vous suis. Je la mets sur l'aide. Et il te suit. Vous vous rendez du coup en repassant par ce couloir extérieur, faisant le tour de toutes les salles. Vous vous rendez, du coup, dans la fameuse salle. Vous ouvrez la porte et, du coup, bah, tu le fais rentrer. Il te regarde. Alors, bon, dites-moi de quoi vous avez besoin. J'aimerais savoir de quelle musique il s'agit et si elle fait partie de votre bibliothèque. Tu vois qu'il se concentre. Il se concentre, il réfléchit. Je pourrais vous dire avec certitude, vous savez, ce n'est pas moi qui gère la musique pendant les représentations. D'autres personnes sont mieux placées que moi pour vous répondre, mais dans tous les cas, je pense ne l'avoir jamais entendu. Vous savez, lorsqu'on choisit une musique, c'est très important pour accompagner une pièce de théâtre et généralement, on fait des sessions d'écoute ensemble, et je peux vous dire que si je ne connais pas par cœur, bien entendu, notre stock, j'ai au moins entendu une fois chacun des disques, et je ne crois pas l'avoir déjà entendu celui-là. Je vois. Je vais donc prendre ce disque avec moi. A priori, il ne fait pas partie de votre collection. Est-ce que, vous m'excuserez, je ne suis pas un grand amateur de musique ou d'art en général. Est-ce que vous avez des références en musique, quelqu'un à qui je pourrais poser des questions sur ce genre d'œuvre? Généralement, les personnes qui gèrent la musique, c'est le conjoint de. Ah, ok. Il faut juste. Et c'est un fin musicologue et saxophoniste et pianiste. Il a un talent incroyable et il a des d'excellentes connaissances. Il a fait des études là-dedans. Il nous aide à la composition. Il pourra sûrement mieux vous répondre que moi, je ne le peux. D'accord, très bien. Enfin. Bah, merci, on peut retourner à l'accueil. Oui, vous laissez le disque là ? Non, j'ai dit que je le prenais. Ah, d'accord. Donc t'étais à la musique là, du coup ? Ouais. Il n'a pas encore pris, il est en train de le prendre. Ah, je le prends. Là, je pose la main dessus, ça fait bzzzt. Voilà, ça... il est en train de poser la main et hop, ça y est, il l'a retiré. Voilà. Bah attends, faut faire les choses bien. Bon. Du coup, bah, tu te rends là-bas avec lui. Tu vois qu'il traîne un peu des pieds, par contre, pour rejoindre l'accueil. Autant ça lui plaisait de quitter un peu le regard électrisant d'Hugo, autant il retournait à l'air clairement de l'embêter. Au final, cette fois, il s'assoit au niveau de sa loge, il s'assoit totalement à l'opposé, sur le mur d'en face, à côté du couloir dans lequel vous venez de sortir. Toi, tu rejoins tes amis qui, eux, sortent de la loge en ayant maintenant fini à 100% leurs enquêtes, ayant toutes les informations que je leur ai données précédemment. Quelque chose d'intéressant, collègue ? Rien du tout. Pas grand chose. C'est Bon, il faudrait s'oriente vers l'une des quatre pistes que j'ai notées. Enfin, du coup, il n'y en a plus que trois. On a fouillé le bureau, donc la loge. Avant ça, si ça vous embête pas, je pense qu'on a une dernière chose à faire. Parce qu'a priori, quand on quittera ces lieux, le corps va être retiré et tout ça. En effet. Je propose simplement qu'on le fouille de toute manière. La scène de crime va être toute évidence corrompue par le fait que les cadavres vont être récupérés. Autant le retourner, le fouiller, le mettre à poil. J'ai déjà fouillé lui à la scène de crime, je l'ai pas mis à poil pour le coup en effet. Ah ben on va le mettre à poil. Pour ce qui est de la scène, la scène de crime, j'ai réussi à me perdre, alors en effet je pense qu'y retourner à 3 ne serait pas un mal. Un dernier tour avant d'aller voir tous les noms qu'on a. Exactement. Très bien. Vous avancez pour re-rentrer dans cette salle. Cette fois, l'absence de musique totale. Vous avancez. Et vous remontez sur scène. Dites-moi maintenant précisément tout ce que vous allez faire là-dessus. Les bougies continuent de vous éclairer faiblement. Il y a de plus en plus de cire sur le sol, ça devient limite pas très propre. Quand Aaron l'a retrouvé en fait, c'était je me rappelle plus trop, mais c'était il y a combien de temps à peu près? Alors Aaron ne l'a toujours pas retrouvé. Enfin, en fait, c'est une autre personne et c'était dans la nuit, dans la nuit qui a pendant votre premier bal, donc c'était il y a plus ou moins deux nuits de ça. Qui après vous a donné il y a de l'odeur, mais ça shoot. Pour le coup vous êtes dans un théâtre fermé, enfin c'est pas si étonnant que ça que ça sente mauvais de base. Bref, tout ça pour dire que c'était plus ou moins il y a deux nuits de ça. Vous avez été gradé, vous avez été mis sur la mission ce matin très très tôt. D'accord. C'est potentiellement presque deux jours qu'il est mort, quoi. Enfin, ça fait... Presque. Presque. Ouais. Mais effectivement. Mais si, ça fait deux jours que la musique... Est-ce qu'on pourrait savoir qui a déclaré le meurtre, enfin, la mort de cette personne? C'est Maria. La personne qui l'a trouvée. Et donc, il faut qu'on la récupère, elle. Oui, Maria Zinazi. Et du coup, il faut qu'on sache où elle est. Et donc, est-ce qu'on sait où elle est déjà? Ou pas du tout? Alors, il y a eu conversation, je me permets de rappeler parce que c'est quand même il y a deux semaines, mais vous savez qu'elle est professeure populaire à une école non loin dans le quartier. Et c'était Hugo qui avait fini par réussir à avoir ces informations hein, dans sa discussion houleuse. Donc, je vous le redis. D'accord. Donc on sait où elle est. Il y a deux semaines, hein, mais je rappelle, vous êtes en savoir des notes, attention. Oui, c'est vrai. Gentil, c'est vrai, mais c'est pour ça que je posais la question à mes camarades et non pas au MJ. Oui, oui. Mais bon, d'un côté, c'était. Je sais que la fin de session a eu. Comme c'était le tout début d'un scénario, il y a eu peut-être moins de souvenirs exacts, donc Cette fois, je vous l'autorise. Ouais, regardez. J'ai ma plaque de cire, ça fait avec moi. Ok. TKT. du coup, là, on a quand même pas mal de choses à voir. Pour le coup. Mais du coup, je repose ma question. Là, sur scène, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Je dénude le corps. Très bien. Tu vas dénuder le corps. Du coup, tu vas tout simplement retirer ses vêtements à un, mettre tes mains dans le sang. Tu n'as pas le choix. Alors, le sang est plutôt séché, hein, ça va. Ouais. Malgré tout, tu es quand même en train de toucher du sang. Et tu le dénudes totalement. Et une fois totalement nu, tu vois que les dessins font exactement son torse et qu'il n'y a pas de, pour l'instant, de choses, pas de nouveaux dessins, pas de d'autres choses sur le reste du corps. À notre blessure, le blessé. Alors, Anna, hein, s'il vous plaît. Ouais. Je disais, est-ce qu'on a retrouvé le couteau qui a servi à le blesser? Je pense que vous le saurez si c'était le cas. D'accord, ouais, du coup, j'aimerais bien chercher. Je l'aurais retrouvé. Très bien, tu vas du coup le chercher grâce à un jet que je te dirai une fois que Kemao m'aurait du coup dit ce que lui commençait à dire. Je vais l'ausculter pour ainsi dire, le retourner, lui soulever les bras, lui passer les jambes, enfin bref, tout pour voir où pourrait y avoir d'autres plaies ou d'autres blessures. Très bien. Donc vous allez tous les deux me faire alors au choix pour Kornilov c'est escrime ou pugila au choix. Esther c'est escrime. Alors question de mon côté, est-ce que la balle est ressortie ou elle est toujours dans le corps? Tu as malheureusement déjà raté un jet de tir là-dessus, donc tu vas pas pouvoir vraiment t'y repencher. Tu ne l'as pas remarqué la première fois. D'accord. Mais je vais peut-être le savoir, moi, vu que je l'observe. Okay. Ah oui, mince, c'est votre... Oula, ouf, mais dis donc. Ok. J'ai fait 3, même si je me surpasse mon jet, j'ai toujours 3. désolé. Du coup, mon cher Charlie... C'est pour savoir reconnaître un couteau si j'en ai un sous les yeux. Non, quand même pas. Mais, ma chère Esther, tu ne trouves du coup aucun couteau dans la zone que tu cherches, c'est-à-dire sur la scène et aux alentours, donc au niveau des rangées où les gens s'assoient, comme j'avais dit. C'est des escaliers de métal, hein, c'est des gros bancs qui... Ça a été creusé directement, enfin creusé, construit directement comme ça. Mais voilà, tu ne trouves malheureusement rien. Et Kornilov, toi, tu cherches, oui, Volad. Tu as fait quoi, pugila ou escrime? Alors, les deux, c'est la même chose, parce que c'est important. Je veux juste au moins savoir ce que tu as spécialisé dedans. Escrime, ok. Donc, tu regardes s'il a d'autres ouvertures ou quoi. Et du coup, là, tu vas regarder partout sur son corps, sur son dos, etc. Et il n'y a rien qui en ressort. Alors, il a une légère ouverture, mais très très vieille. C'est plutôt une cicatrice qui part en fait du bas de son corps. C'est vraiment au niveau du de la cheville. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça va de la cheville, ça monte un tout petit peu, mais c'est vraiment assez petit. C'est quand même assez faible. Et au final, ça a l'air très ancien. En vu que c'est une cicatrice, qu'elle est plus très visible. Ce genre de choses. Ok. Question. Tu me disais que, vu que j'avais pas réussi mon jet de tir tout à l'heure, que je pouvais pas savoir si c'est ça. Et comme on revient sur le corps, que j'avais quand même demandé tout à l'heure ce qu'il pensait de la blessure, si c'était la blessure mortelle ou pas, que grâce à la déduction de Kornilov, on en avait déduit que c'était bien ce qui avait tué notre monsieur oui. Voilà. Monsieur qui? Fautias. Fautius, presque. Fautius. Voilà. Ouais, je l'avais pas sous les yeux. Mais est-ce que je peux pas quand même dans me dire, est-ce que je peux pas regarder justement plus en détail cette blessure, puisque ça m'intrigue quand même de savoir où la balle peut-être qu'on peut tirer de cette balle, puisque c'est la balle qui l'a tué. C'est pas moi qui l'ai déduit, c'est Kornilov, mais maintenant je le sais. Je t'autorise avec un modificateur de moins 2, parce que tu réessayes. Donc il faut que je refasse tir pour essayer de voir si je trouve la balle. Enfin, où est-ce qu'elle est devenue. Exactement. Et tu as un modificateur de moins 2 sur ton résultat total. Oh là là là. Alors, tir. Bah, en tir, j'ai 0, c'est dommage. Et pourtant, si je fais 9, mais moins 2, ça fait 7. Dommage. Eh oui. Et du coup, tu te penches sur la question, mais malheureusement, bon, t'avais déjà regardé comme tu pouvais, tu t'es dit, bon, je vais réessayer plus profondément. Mais tes connaissances en tir n'ont pas évolué miraculeusement d'une minute à l'autre. C'était bien de réessayer malgré tout, mais voilà, tu n'arrives pas à identifier ce petit détail. Okay. Nous le sait. Bah écoute, moi pour moi, je suis bon. Enfin, j'ai pas plus de choses à faire. Vous avez rien d'autre à faire du coup en ce lieu ? Non. On va quitter les lieux et dire à Aaron qu'il peut commencer à appeler les nettoyeurs. Très bien. Vous quittez les lieux et vous dites à Aaron qu'il peut appeler les nettoyeurs. Écoutez, mes chers amis, je pense, comme nous l'avons déjà appris dans nos cours de métropolite, il faut d'abord qu'on s'occupe du premier cercle de notre victime, puisque on le sait, les premiers suspects sont les proches souvent de la victime, donc il va falloir d'abord quoi, si ça vous va, qu'on s'occupe d'abord peut-être du logement et du coup de Victor, son conjoint, pour peut-être voilà en savoir un peu plus. Et justement, je vous pose la question, par qui vous voulez commencer ? Eh bien, en effet, son conjoint, moi, ça me va. Ouais. Je donne une indication, parce que bah, du coup, je ne vous ai pas donné le nom de la rue, c'est de ma faute, mais il est géographiquement plus éloigné que Maria. C'est juste pour que vous sachiez comment vous utilisez votre temps. On vous fera faire un aller-retour. La logique voudrait, quoique, dans tous les cas, Maria, du coup, on aura son chemin de retour, donc en fait, ça ne changera rien. Pas de soucis. Je préfère juste l'indiquer, parce que comme je n'ai pas donné de vrai nom, tout ça... Je pense qu'il mieux peut-être commencer par... Soir, oui. Après, il est éloigné à quel éloignement ? À quelle proportion ? S'il faut 3 jours pour y aller... A priori, c'est quand même difficile de se déplacer dans cette ville, donc... Ouais. c'est vrai. Victor n'est pas du tout si loin que ça. Il va falloir vous demander quelques heures de marche tout de même pour y accéder, compter 3-4 heures. Mais encore une fois, dans Venise, 3-4 heures de marche n'est pas si grand. Et au pire, il y a des moyens de transport en commun, de genre les chaises porteuses, ne les oubliez pas, elles existent. Les gens qui portent des chaises, j'ai oublié comment ça s'appelle, désolé. Bah écoutez, moi je vous... Alors, quand tu dis chaises porteuses, c'est combien de personnes par chaise ? Soyons clairs. Est-ce qu'on peut mettre 3 personnes dans les chaises ou pas ? Il y a des canapés porteurs. Des canapés porteurs. Est-ce que c'est le truc comme dans les temps coloniaux en Chine et tout ça là, ou d'un type qui tire les pouces là ? Les pouces ? Non, je pense que c'est plus porté. Donc je pense que en fait il y a 4 personnes qui portent un. Ah ouais, donc 4 personnes. Je pense. 4 personnes, c'est qu'une seule personne par chaise alors ? Je pense, et au pire ça fera 3 personnes. Bon bah écoute, si c'est qu'une personne, ça sert à rien, parce que genre j'allais dire, on va en profiter, on pourra faire un peu un résumé de tout ça. Si c'est 4 personnes, on va pas payer entre 12 et 16 types. Ouais. Bah on va marcher, et puis en même temps on est habitué à marcher. On pourrait exposer nos théories. On y va à pied. On va à pied chez Victor. Et donc du coup vous allez marcher 3-4 heures. Histoire d'atteindre son petit logis. Du coup, vous allez devoir remonter un tout petit peu au niveau de la ville, et vous allez devoir, du coup, encore une fois, vous mêler à cette foule assez incroyable, parce que vous êtes plutôt, encore une fois, vous n'êtes pas vraiment à la basse ville, mais vous êtes plus à la frontière de la basse ville que de la haute ville. Et du coup, il y a quand même pas mal de monde qui circule. Surtout à l'heure qu'il est, c'est le moment de la pause déjeuner pour la plupart des gens, donc chacun va à son petit coin habituel pour manger. Vu que vous n'êtes pas au niveau vraiment ouvrier, où les gens mangent généralement directement là où ils travaillent, là vous avez des gens qui vont aller voir dans leur petit coin, aller manger la mousse aux champignons généralement, qui est en petite barre. Ça s'est posé facilement et ça nourrit bien. Bref, vous avancez au milieu de cette foule, et vous voyez d'ailleurs pas mal de regards assez... soit craintif ou un peu dédaigneux envers vous. Vous, d'ailleurs, contrairement à avant, quand vous vous avancez, les gens ont d'ailleurs même tendance à se pousser pour vous laisser passer. Vous savez pas si c'est parce que vous êtes un peu proche de la haute ville et que vous rejoignez un peu un monde civilisé, comme dirait Hugo, ou si, au contraire, c'est juste votre badge qui commence à faire effet. Dans tous les cas, au bout de 3-4 heures de marche et peut-être une pause déjeuner que vous allez faire de votre côté, vous arrivez du coup à l'appartement de Victor Bellé. Siaka, de son nom complet. C'est pas Beletskaya. Beletskaya, c'est vrai. Je ne sais pas me lire. Vous arrivez du coup dans un tout petit logis, à vrai dire. En fait, c'est plein de petits bâtiments entassés qui sont vraiment plus très loin de la haute ville, mais qui restent quand même plus dans la basse ville, et qui du coup sont plein de petits logements entassés de ce que vous, pour vous peut être du coup de personne. Du coup, je disais oui, c'est, vous savez, généralement, c'est des petits logis pour ceux qui aspirent à monter assez rapidement, mais qui se retrouvent de toute façon à devoir vivre un peu en bas en attendant de réussir à rentrer dans la haute. Dans tous les cas, vous arrivez du coup au logis, une fois arrivé au beau bon dessin sur la porte, vous pouvez vous saisir du heurtoir et toquer pour qu'on vienne vous ouvrir. Est-ce que vous voulez, vu que vous avez marché 4 heures, discutez un peu rapidement de la stratégie que vous voulez mettre en place pour lui parler, ou est-ce que vous allez à l'instinct tous les trois? Déjà, à savoir, est-ce qu'il est au courant que son conjoint est mort? Parce que si on arrive en lui disant « Ouais, salut! Alors, qu'est-ce que t'en penses que ton conjoint est mort ?» Et s'il n'est pas au courant, ça risque quand même d'être un peu se faire. Qu'ils habitent loin, mais après, en deux jours, ils se seraient quand même inquiétés, je pense. Ouais, après, ça dépend, parce que si c'est un gars qui est. Il passe sa vie au théâtre, il peut avoir l'habitude peut-être de rester au théâtre tard, dormir là-bas, s'il y a un spectacle. Donc, c'est pas dit qu'il soit au courant que son conjoint soit décédé. Tu marques un point, en effet, ouais. Donc je propose en effet qu'on essaie de savoir. En effet, vu qu'ils habitent à 4 heures de route, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu le courage de faire 8 heures aller-retour pour aller lui indiquer ça. Donc dans le doute, méfions-nous. On soit un peu diplomate, ouais. Qu'on amène les choses un peu de façon... Oui, il suffit de l'approcher en disant qu'on veut parler de son mari, et pas forcément de la mort de son mari, et on voit en fonction de la réaction. Voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai à vous proposer en termes de stratégie, c'est qu'on parle pas de la musique pour l'instant. C'est un musicologue et tout ça, je veux essayer de le prendre de court avec ça après qu'on ait discuté. Si jamais il est impliqué dans le meurtre, il faut essayer de le piéger entre guillemets. D'accord. Pas lui laisser le moyen de se défendre. Si vous voulez poser des questions et tout ça, vous pouvez, mais qu'on parle pas de la musique, je le finirai avec ça, je pense. Alors après, à savoir comment on amène les choses, parce que là forcément on va y aller, on va frapper, il va demander, il va avoir trois personnes et je pense qu'il va savoir que nous sommes des métropolites, donc trois métropolites qui frappent à sa porte, c'est pas pour rien, donc il va forcément vouloir savoir ce qu'on fait ici et pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on lui dit de... On lui demande si on peut rentrer et on aborde le sujet petit à petit. Ouais. On vient lui parler de son mari. Et après, après on saura s'il est au courant qu'il est mort, on continue avec ça. D'accord. S'il n'est pas au courant, on lui annonce et on continue avec ça. D'accord. Ok, ça marche. Qui prend la parole en premier? Après, on y va aussi pas mal au fond. Qu'on sache qui entame. Je pense que c'est pas la peine de strater à ce point. Bah on sait jamais. Le feeling pour l'affaire. D'accord, ça marche. De retour du coup devant cette porte. On va te... L'un d'entre vous se saisit du heurtoir et toque. Au bout de quelques mètres, bien sûr. Au bout de quelques minutes, après avoir toqué plusieurs fois, vous avez enfin la porte qui s'ouvre. La pièce est très très mal éclairée derrière lui, ça se voit directement. Il a la barbe de quelques jours, qui a l'air drue, un peu gratteuse, les cheveux assez décoiffés, hein. Des yeux très petits. Il ouvre et quand, d'ailleurs pour vous décrire un peu, c'est un homme à la peau assez mate vis-à-vis de son nom, qui peut être assez étonnant, parce que, encore une fois, Beletskaya, ça sonne plutôt lanskien que... qu'autre chose. Et il a une coupe de cheveux assez court, mais avec une petite mèche qui va parcourir le reste de son côté. Il a surtout un visage fatigué. C'est ce qui le caractérise le mieux à ce moment-là. Encore une fois, des yeux petits, des sourcils assez gros. Et il ouvre la porte, du coup, en la glissant un peu. Et quand il voit, son regard s'écarquille. Bonjour. Bonjour. Officier métropolite, est-ce que nous pourrions vous parler un instant, s'il vous plaît? À l'intérieur. Oui, ça s'appelle le choix, je prends la marche. Bien, je suppose, tu rentres. Sans savoir encore une fois s'il est d'inquiétude, s'il a l'air d'être comme ça, fatigué, plus d'inquiétude ou de tristesse. Bon, on suit, hein. Vous rentrez tous les trois, dans cette petite salle. C'est vraiment très petit pour le coup. C'est en deux salles, une salle séjour à vivre et une salle pour la toilette. C'est vraiment très petit et à vous trois, vous envahissez assez rapidement l'espace, hein, vous le sentez. D'ailleurs, il n'y a pas assez de place pour que tout le monde s'assoie. L'un d'entre vous peut s'asseoir, même un deuxième si vous prenez une place un peu encombrante. Mais... Je vais me mettre contre la porte. Tu te mets contre la porte après qu'il est refermé. La salle est très faiblement allumée, d'ailleurs, il s'excuse un peu rapidement une fois que vous êtes rentré et se précipite d'ailleurs sur la lanterne pour allumer une deuxième bougie de cire. Voilà. Que me vaut votre visite? Nous sommes ici pour parler de votre conjoint. Je prends oui, un temps. Vous avez temps. Des nouvelles de lui? Ah, vous avez. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui? Il y a deux nuits de ça. Il m'a dit qu'il devait retourner au théâtre et il n'est pas rentré depuis. Donc vous n'avez eu aucune nouvelle jusqu'à présent de votre conjoint? Non. Je prends un air grave. Eh bien, écoutez, c'est assez délicat. Nous sommes ici pour enquêter justement sur le décès de votre conjoint. Je suis navré. Toi qui il s'assoit sur une petite chaise de métal qui est au fond de la pièce, au fond qui a deux pains. Hein. Et il s'assoit, met un peu les mains sur son visage et souffle beaucoup et il relève la tête. Je peux vous aider. Votre raison est bien. Vous êtes là pour quelque chose, si je peux vous aider. Mais vous avez dit déjà qu'il devait retourner au théâtre. Est-ce qu'il vous indiquait la raison de... Non. C'est... Enfin... La raison, en soi, je le sais, c'est toujours... une affaire à régler, une pièce... à écrire, à retenir... Du coup, il ne précise pas en fait quand il va là-bas parce que avec le temps on sait que c'est pour du travail. C'est sous-entendu. Avait-il ces derniers temps peut-être vous paraissait-il soucieux peut-être. Vous l'avez senti différent d'habitude ou... Non. Rien de différent. On vivait ensemble. Et ces derniers mois étaient d'ailleurs même... Enfin, ces dernières lunes étaient plutôt... même encourageantes. on réussit de plus en plus à mettre de côté pour aménager plus haut, donc c'était... Au contraire, tout se passait bien en ce moment. D'accord. Vous ne sauriez pas si des gens lui en voulaient, ou vous a-t-il parlé de... Peut-être de soucis avec certaines personnes. Et il a eu des problèmes Piesa, mais il me semble qu'ils ont tous été réglés. Il y avait Auguste Vachet qui lui en voulait. Pour. Mais c'est une longue affaire. Disons que Photius, pour une raison qui m'a toujours été inconnue, était pas forcément apprécié du ministère de la propagande, et Auguste pensait que c'était de sa faute s'il était rétrogradé. Vous savez, Auguste a toujours été un homme de la haute, et il s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir gérer un petit théâtre en plus basse ville, et ça... Il en a toujours tenu rigueur à Photius. Et sinon, un ami d'Auguste aussi a eu un problème un jour. Roland Bonnet, je crois. Mais je me trompe peut-être de personne. Je ne sais même plus la raison. C'était une broutille. Je suis désolé, j'aimerais mieux m'en souvenir. Une autre question. Après, je sais que c'est... pas forcément facile pour vous qu'on vous pose toutes ces questions-là, mais malheureusement, nous en sommes un peu obligés de le faire. Mais est-ce que les choses se passaient bien avec son collègue Aaron X-Smith? Oui, mais même avec tous ceux qui participent au théâtre, on est une petite troupe solidaire. Il n'y a jamais eu de tension entre nous, mis à part avec Auguste, mais il nous a lâchés bien assez rapidement. D'accord. Alors vous comprenez, nous sommes un peu obligés de poser des questions sur son entourage proche, puisque c'est son premier cercle. On ne sait jamais, avant d'élargir à d'éventuels autres suspects. Mais bon, si vous nous savez... C'était un homme admirable. Mmh. Il n'avait pas vraiment beaucoup d'ennemis. Ça peut paraître peut-être étonnant, mais il y a encore des hommes bons. Mais c'est ce que... Et c'en est un. C'est ce que nous avons cru comprendre de par les témoignages que nous avons eus. Ça... C'était une bonne personne. Oui. Du coup, je regarde un peu les autres. Quoi ? Alors, c'est des questions, bordel. Moi, je regarde Esther s'il a quelques questions. Moi, je le finis directement, hein, mais. Je prends juste des notes dans ma tête de ce qui se dit. À quelle heure est-il parti quand l'avez-vous vu du coup pour la dernière fois précisément? C'était début de soirée, le soleil était rasant, les crimes. Je ne me souviens pas de l'heure exacte. Je suis désolé. Donc c'était il y a deux jours, donc il y a deux nuits de ça. Oui. D'accord, deux nuits de ça. Et vous a dit pourquoi il allait? C'était pour un spectacle futur ou... Je vous ai dit, il précisait pas. Il précisait pas. C'était sous-entendu maintenant, c'est pour du travail. Et ils m'en parlaient bien assez quand, quand il rentrait. D'accord. Bah là, du coup, je me retrouve plus vers Kornilov, même si, enfin, puisque toi tu as quelque chose dans les mains qui peut être. Monsieur Baletskaya, est-ce que vous avez un tourne-disque ici? Je regarde aux alentours, de toute manière, ça va pas être difficile à trouver s'il en a un. oui, j'en ai un, mais il est. Le meuble à votre. En face de vous, dedans il y a un tourne-disque. On est obligé de ranger dans l'intérieur des murs pour gagner un peu de place ici. Et bien, je vais tout simplement placer le disque et lancer le tourne-disque en observant le visage de notre cher compatriote Lansky. Très bien. Tu sors le gramophone. Et une fois qu'il y a l'énergie, tu lances le disque. Tu vas me faire, pendant ce temps-là, un petit jet. Au choix entre faconde et représentation. Faconde. Ok. Ok. Et c'est en 9. Ok. Tu l'observes, tu vois que il est plongé, il ferme les yeux pour essayer d'écouter. Et au bout de quelques secondes, tu le vois lever un regard interrogateur un peu vers vous. Il est entre l'appréciation de la musique et le questionnement. Monsieur Baletskaya, est-ce que cette musique vous dit quelque chose ? Quelque chose. Je ne pense pas connaître ce titre, mais il est d'une virtuosité assez impressionnante. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Les constructions musicales, ce genre de choses, mais je ne sais pas si cela peut vous être utile, mais si jamais vous voulez le savoir, je peux vous détailler un peu. C'est de la musique assez particulière en soi. Cela vous intéresse-t-il ou... Allez-y. Oui, allez-y. Je ne veux pas vous faire perdre du temps. De ce que j'entends, je pense que la musique utilise une technique qu'on connaît sous le nom de scordatura. C'est une technique qui fait jouer, si vous préférez, des instruments à cordes qui s'écartent de l'accord usuel. Et les parties orchestrales me semblent écrites en mi bémol, je pense. Là où le solo, je l'entends plutôt en ré majeur. C'est le violon qui est un demi-ton plus haut que ce qu'il devrait. Quoi qu'il en soit... Monsieur a l'oreille absolue à ce que je vois. Oui, je dédie ma vie à la musique depuis mon plus jeune âge, vous savez. En effet, on nous a dit que vous étiez saxophoniste. Et pianiste. Et pianiste. Mmh. Est-ce que ce genre de technique... disons, appartient à un certain genre musical qu'on voit tel genre d'émotion ou de propos vis-à-vis de l'art ou ce genre de choses. Il y a effectivement un genre musical, mais disons qu'il n'est pas admis de tous, c'est ce qu'on appelle l'acrimonia, c'est un genre vénitien, on l'a créé ici même. C'est-à-dire qu'il fait actuellement succès parmi la loge des antiquaires à l'heure actuelle. C'est un débat hein, qui dure depuis des années. Disons que les loges musiciennes actuelles considèrent que cette musicalité est une infamie. Là où les musiciens un peu reniés qui ont rejoint les antiquaires apprécient cette musicalité. Et quoi qu'en soit votre avis musicalement, je pense qu'il faut admettre que ce titre a été... joué par un vrai virtuose. C'est magnifiquement bien orchestré et joué. Vous qui avez la bonne oreille, est-ce que vous pouvez me dire si c'est un enregistrement original ou une copie d'une copie d'une copie, ainsi de suite? Je ne sais pas si ça s'entend vraiment à l'oreille. Vu la qualité, je ne pense pas qu'on soit face à une belle copie. Ça me semble être soit l'enregistrement original ou soit une copie assez neuve et très proche de l'original pour qu'il n'y ait pas de perte de qualité. Je vois. On est donc là face à un morceau sûrement qui n'a pas beaucoup voyagé, on va dire. Sûrement pas, non. Ça s'entend, vous voyez, il n'y a aucun grésillement de cuivre, ne palpite pas sous le gramophone. Hein. Le son est restitué. Comme si vous étiez face aux musiciens, c'est de la très bonne qualité d'ailleurs pour ce disque. C'est pas du simple cuivre trouvé à la ferraille du bas. Mais pourquoi toute cette question sur cette musique? Eh bien, pour tout vous dire, ce disque joué sur les lieux où votre mari a été retrouvé. Pourquoi? Je comprends pas. J'arrête le disque en ce moment parce que du coup, le son a dû prendre une ambiance différente pour lui d'un coup. Je vais l'arrêter. Tu arrêtes le disque. Et vous savez si ça a un sens. Hein, c'est une musique d'orientation, c'est évolué qui est... Je pense personnellement qu'il y a un sens en effet. Mais lequel, ça m'échappe encore. D'ailleurs, si je puis me permettre, enfin, est-ce que tu nous as partagé le fait que il n'y avait rien d'écrit sur le disque? Oui. Non, pas toi. Est-ce que Kornilov nous l'a dit à nous? Oui, on a sûrement parlé de toute manière sur le. Oui, alors, sur la marche qu'on a fait. Du coup, si tu l'as pas. Enfin, si tu le dis pas là, voilà, je dis, écoutez, est-ce que mon collègue a noté, c'est également que le disque n'avait pas d'intitulé. Le disque est vierge. Nous ne savons pas le morceau, nous ne savons pas l'auteur, rien du tout. Il y a deux solutions. Soit le titre est une création originale directement enregistrée par quelqu'un d'amateur, mais ça me semble très surprenant vu déjà la virtuosité qu'il y a derrière et surtout la qualité du disque qui ne se trouve pas, encore une fois, à la première ferraille du coin. C'est vraiment très surprenant. Ou alors ce n'est pas fait par un amateur et il a décidé d'enregistrer sur ce disque volontairement sans information. En tout cas, ce qui vous permet de savoir que ce CD est créé par quelqu'un et non pas par une production de masse qui grave automatiquement les informations. Vous pourriez nous procurer un tel objet? Honnêtement, dans les loges, n'importe laquelle, musicienne, soit dans la loge des antiquaires, pour ce qui est des musiciens. N'importe laquelle? N'importe quelle loge musicienne, effectivement. D'accord. Les loges. T'as l'objet de cette qualité-là. C'est plus compliqué, mais je suis presque sûr. Je n'y ai malheureusement pas accès. Je n'ai pas encore été admis dans l'une de ces loges, mais nous sommes à Venise. C'est la cité des arts. Si vous me dites que les loges les plus prestigieuses de Venise n'ont pas accès à ce matériel, j'en serais fort déçu. Très bien. Est-ce que. Même si je suis en froid avec ma famille, de par le fait que... Voilà, est-ce que je sais quelque chose là-dessus, sur ces loges-là ou, Tu vas me faire un jet de créativité, s'il te plaît. Dans cela, j'aimerais dire, moi, alors je sais pas si j'ai de quoi, on va dire, croquer à côté de moi, à proximité, j'entends trop pas manger. J'aimerais bien lui décrire, donc, soit l'oral, soit sur... de la cire ou avec une craie, un peu les runes qu'on a retrouvées, lui demander si ça lui dit quelque chose. Tout simplement, tu demandes de la cire, et pour le coup, tu es face à un homme qui écrit des pièces de théâtre et un homme qui écrit de la musique. Donc, c'est vrai que du coup, normalement, ça devrait se faire. Donc, il te sort de la cire et ainsi que les pointes pour écrire dans de la cire et te l'étend. Tu vas pouvoir du coup redessiner et tu vas me faire, s'il te plaît, du coup, toi aussi un jet pour voir en fait la fidélité du dessin vis-à-vis de ce que tu as envie de faire. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un test. Je pense que c'est oui, créativité aussi. Ok. Beaucoup de créativité ce soir. 4 avec le bonus de créativité. Ça fait deux fois que je fais 2. Bon, eh ben dis donc. Si après je vois qu'il est vraiment nul, je peux essayer de lui donner un coup de main. J'ai fait un bonhomme patate. Bah, dans un premier temps, je m'occupe de réfléchir. Elle a les 3 points, c'est les runes. Dans un premier temps, je réfléchis sur mes trucs et après je lui donnerai un coup de main. Parce que je vois ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Bon bah Esther, t'es capable de concevoir des plans mécaniques révolutionnaires pour créer des bras robotiques et un être vivant quasiment à moitié robotique. Mais il est pas capable de recopier un putain de dessin. Oui, parce qu'elle a une règle, c'est pour ça que ça l'aide. Ouais, c'est vrai. Vous auriez pas des règles. Peut-être que tu travailles sans plan. Non, tu n'es pas obligé de passer par les dessins pour être très bonne anthropo-mécanologue. Ah, c'est compliqué quand même, non, de concevoir des machines sans faire de plan. Donc, du coup, j'ai fait 15 pour mon test société de créativité. Je pense que tu peux développer des facultés visuelles, de conception, ce genre de choses. Outre ce petit RP, du coup, oui, c'était. Alors, mon premier geste, c'était 15. Question à la base. Oui, c'était pourquoi. C'était par rapport aux loges. Est-ce que du fait que j'ai une famille qui est dans les arts. Oui, du coup, effectivement, par ta connaissance de ce milieu-là, oui, tu sais que c'est évident. Encore une fois, comme l'a dit directement votre cher ami. Venise est la ville des arts et du coup au moins les loges les plus prestigieuses, celles qui sont directement gérées par les doges actuels, ces loges là ont évidemment du matériel et des artistes de renommée sur toute la toile en fait, donc c'est pas plus étonnant que ça. Et sinon au passage j'ai redessiné un peu pour lui ce qu'il voulait et j'ai fait tout. Très bien. du coup, tu redessines derrière Esther, qui est bien déçue que ce soit pas une machine à construire, parce que là, elle aurait montré son véritable talent, quoique elle aurait fait 2 sur CD, hein, ça aurait pas été ouf. Et du coup, tu redessines le dessin plus ou moins fidèlement, il n'y a pas tous les détails, tous les trucs, mais assez fort. Et tu lui montres le dessin. Ok. Et tu vois qu'il regarde, il part dans ses pensées, 1 minute, 2, dans un long silence dans lequel vous allez vous regarder un peu, et puis au bout d'un moment, je connais... Enfin, je crois connaître ce symbole. C'est le symbole du tueur machine. Le tueur ? Machine. Mm-hmm. En mots. Vous savez, je pensais que c'était qu'une légende locale et que. Enfin, il n'existait rien de tel. J'espère que c'est réellement un faux, une personne. En effet, nous en parlons pas trop. Vivant. Ok. J'espère bien, parce que. Les légendes sont mieux lorsqu'elles le restent. Après, je. Je sais pas ce qu'il en est pour vous et mes collègues, mais est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ? Absolument, en termes de questions, ça ira pour moi. Je pense pas avoir autre chose. Très bien. Vous allez du coup vous congédier ? Non, c'est plus ça, je sais plus. Dernière chose, est-ce que vous saurez si il garde des documents ici par rapport au théâtre ou il laisse vraiment tout ce qui est au théâtre ? Il garde quelques documents ici, mais comme il va pouvoir te les montrer à la demande, il n'y a rien de... Oui. Et une dernière question aussi de mon côté, en effet, possédait-il une arme ? Non. Se déplaçait-il avec Il a de temps en temps sur lui, mais vraiment de temps en temps, une petite dague. C'est quand il est dans des déplacements risqués, mais c'est une petite lame un peu émoussée. Oui, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Je voulais savoir si on aurait pu retourner sa propre arme contre lui, peut-être que... Voilà. Mais en effet, donc, dans ce cas-là... Aucune arme. Et du coup, oui, pour les documents, encore une fois, c'est beaucoup de textes écrits, ce genre de choses, de gestion, en mode « Ah, bah, dans une semaine, on va programmer tel truc. » Mais c'est, en plus, c'est noté très succinctement, et encore une fois, il fonctionne toujours avec cette date au dos pour faire fondre ses plaques, et donc il est toujours dans un renouvellement. Donc, rien de spécial. Ouais, bah écoute, pour moi, c'est bon. Oui. Vous allez donc le laisser faire son deuil tranquillement. Et du coup, vous ressortez du coup de votre conversation avec lui. Ma question maintenant, c'est que comptez-vous faire ? Bah, je pense que maintenant, ce serait bien d'aller voir la première personne qui l'a vue morte. Pour... avoir son témoignage qui est le plus proche là pour l'instant entre cette première personne là Maria et qui est l'autre personne déjà Roland. Auguste Vacher. Auguste. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand ça, même c'est la haute ça prestige. C'est en haut ça non ouais il est tout en haut non ouais. Ouais c'est ça Auguste effectivement dans la haute ville ouais, très haute c'est trop loin il est super loin effectivement il est super loin. Et Roland Bonnet, c'est où ? On sait pas. Tu sais que c'est un ami de Auguste, donc soit tu supposes qu'il est avec lui, soit tu ne sais pas. Ah, d'accord, ok. C'est un ami on va lui demander l'adresse. Oui, ben on peut aller voir Maria. On peut voir Maria maintenant. Là. Ok. Ouais, Maria. Vous remarchez, du coup, vous redescendez en utilisant le même chemin. Je vous ellipse le chemin, parce qu'encore une fois, c'est exactement le même phénomène que vous observez. Les gens vous toisent un peu, les gens vous craignent, les gens... s'écartent lorsque vous êtes très proche d'eux. En tout cas, ça a changé, et justement, j'aimerais savoir, du point de vue de Victor, dis-moi ce que tu ressens, tes émotions, tout ça, actuellement, là, tout de suite, maintenant. Victor, je t'écoute. Je suis très intrigué par cette affaire. Disons que... ce qui montre bien, quelque part, que le monde des arts n'est pas toujours aussi tranquille qu'il n'y paraît. Et que voilà, ça peut, de par mes souvenirs que j'ai, la jalousie, la réussite, peut parfois engendrer des choses... et que je me souviens quand même de par le passé que ma famille se plaignait d'un tel ou d'un tel parce qu'il réussissait mieux ou alors le contraire. Donc toutes ces querelles intestines chez les artistes. Du coup ça me renvoie à ça et je me dis que voilà peut-être qu'on a atteint le point le plus haut, le plus terrible de la jalousie. Et que c'est peut-être quelque chose à creuser. Après, il avait pas l'air de tant bien, de si bien se sentir que ça, non ? Oui, mais ce sont ses pensées. Oui, c'est vrai. mais tu pourras lui faire remarquer si les stories. En tout cas, vous continuez votre chemin. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler ou pas ? Je sais pas si c'est ma musique ou si c'est quelqu'un qui fait des... Oui, non, non. Non. Non, je ne sais pas du coup. J'avais l'impression d'entendre des fragments de quelqu'un qui veut parler mais qui s'arrête au bout d'une syllabe. Non. En fait, non. Très bien, je ne sais pas ce que c'est. du coup, vous descendez et vous retournez plus ou moins pas très loin du petit théâtre rouge pour vous rendre au quartier dans lequel se trouve l'école dans laquelle travaille. Et finalement, c'était peut-être une bonne idée de faire dans cet ordre-là, puisque vous savez que là, elle est en plein heure de travail, et que donc vous êtes sûr que normalement elle est censée être dans l'école, et pas qu'elle est partie pendant la pause déjeuner, par exemple. Du coup, vous vous rendez à l'école, et rapidement vous demandez renseignements pour savoir où est Maria, et on vous l'indique dans une salle de classe, actuellement en train de faire cours à des enfants entre 8 et 10 ans. Et vous êtes devant la porte de classe et vous l'entendez parler derrière la porte. Qu'est-ce que vous faites? Qui toque? Qui... Dites-moi. Est-ce que vous voulez discuter avant le chemin? Ça, c'est une question pour le MJ. Oui. Comment on est vu par les enfants en tant que métropolite? Comment les enfants nous voient, en fait? Alors, c'est un peu dur de généraliser aux enfants, en fait. Non, ça mais dépend surtout de leur milieu social. En règle générale, quoi, on va dire. Mais disons que des enfants au milieu social un peu pauvre va plutôt vous voir de manière pas hostile, mais il y a un jeu un peu de friction parce qu'ils savent que les grands, quand ils parlent de vous, c'est jamais en bien, et donc du coup, il y a ce petit jeu un peu de friction, mais c'est plus ou moins l'idée. Et là où, par exemple, des enfants de la haute ont tendance à vous considérer comme étant les sauveurs de cette société, tout ça. Mais voilà, tu sais que ça peut vraiment dépendre. En fait, ça va dépendre des enfants. De manière générale, c'est de toute façon noir ou blanc. C'est soit on vous accepte, c'est « Ah là là, cool, il y a des métropolites et on vous a un peu en admiration. » Soit on est en mode un peu « Oula !» Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas été, dans un sens plus simple, qu'on la fasse venir, genre que quelqu'un aille la chercher et qu'il la ramène, plutôt que nous on aille dans la salle de classe, que ça fasse un peu genre... Attends, il y a les flics qui rentrent dans la salle, dans la classe, tu vois, genre... Vous aurez pu faire comme pour avec Keino, la convoquer, vous remonter en haut et vous occuper non, de vos affaires. Non, juste, non, mais pas forcément de la faire... La faire venir, ouais, okay. Non, juste... Oui, la faire venir dans la salle, oui. Voilà. Oui, bah aussi. Je voudrais, si ouais. Vous préférez. Ouais, bah si vous préférez ainsi, n'hésitez pas. Bah très bien, bah, tout simplement vous demandez de convoquer Maria et vous allez la prendre à part tout simplement à l'entrée de l'école. D'ailleurs l'école, hein, pour la décrire, faut vraiment voir ça comme quelque chose de très très très de fortune, hein, très très simple, hein, comme construction. C'est un bâtiment qui a été récupéré. Il y a deux étages au sous-sol, deux étages au-dessus, et en gros bah, des salles sont aménagées pour faire salle de classe, mais ça se voit que ça n'a pas du tout été pensé comme une école à la base. Enfin bref, du coup on vous invoque Maria, et du coup, bah, j'en reviens à ma question initiale. Est-ce que vous avez discuté un peu du stratégie pendant le chemin? Ou est-ce que j'ai un instinct? Moi, j'aimerais savoir si dans nos souvenirs, le tueur machine nous dit quelque chose. Bah, c'est le tueur qu'on connaît. Bah, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure, là, qui tient du quartier du glyphe. Alors, c'est très bien que ce soit toi qui pose la question. Moi, franchement, j'en savais rien pour l'autre. Tu me refais un test, s'il te plaît, d'Urba Technologie, mais avec un modificateur que je garde secret, que j'appliquerai. Mais c'est pour te dire que tu en as. J'ai fait un 1 et un 6, donc ça fait 7 plus 1, 8. Eh, t'as réussi un objet? Wow. Wow. Incroyable. Et du coup, oui, toi ça te parle, notamment parce que énormément de gens y croient dans ton usine. Donc à force bah, d'y passer, d'y travailler, même si c'est une fois tous les deux lunes... Ouais, j'en ai entendu parler. Bah t'en entends parler à un moment ou à un autre. Et c'est une excellente question, parce que ça va pouvoir, tu vas pouvoir en parler avec tes amis. Mais du coup, le machine, c'est plutôt un automate. C'est du coup un automate qui aurait pris vie et qui tuerait tous ceux qui ne croient pas au mythe de la Malachine. Ou de la Malachine, je ne sais plus comment je prononce ça. Tant pis. De la Malachine. Et du coup, c'est plus ou moins cette légende-là. Il n'a pas de lien particulier envers la musique? Non, pas du tout. En fait, il n'a aucun lien du tout. C'est d'ailleurs très ouvrier comme... Ouais, c'est un mythe, quoi. Encore... Oui, voilà, c'est un mythe. Hein. Et encore une fois, en plus de ça, il est lié aussi à la religion de la Malachine. Mais toi, tu sais que le tueur machine renvoie à ça. Mmh. Enfin, l'homme machine, de son vrai. Bon, sinon. Comment on est d'accord qu'en dehors de la croyance, c'est pas très plausible dans les crimes. Les machines n'ont pas du tout cette capacité-là. Non, non. Il y a bien le cul de la machine qui pense que les machines ont une vie, mais que. Enfin, justement, ici, dédié, il est pris. Mais aucunement ils deviennent autonomes et commencent à tuer des gens. Et dans des faits avérés scientifiquement, enfin scientifiquement plutôt, pour le coup, alors là, un automate, c'est loin d'exister pour le moment. Ouais. Puis même, il faudrait quelqu'un pour le réparer ou autre. Je connais personne qui serait capable de faire une telle chose. Ouais, effectivement. Mais c'est à ça que ça renvoie. Ouais, c'est intéressant. Bah du coup, comment vous voulez qu'on s'y prenne avec Maria? Je pense qu'il n'y a rien à s'y prendre. C'est juste quelqu'un qui a trouvé un corps, on n'a pas forcément stratégie à avoir, je pense, pour celle-là. D'accord. Oui, ça, il faut simplement savoir ce qu'il faisait là, voilà. De toute manière, on a aussi... Elle n'a pas vu quelque chose d'important qui pourrait nous renseigner, qui pourrait nous aider. Et on n'a pas assez d'infos sur elle, de toute manière, pour savoir comment la prendre. Donc. Et elle fait quoi dans le théâtre, au fait? C'est quoi son rôle? Ouais, elle participe. On ne sait pas, donc on va lui demander. Ah, on ne sait pas, d'accord. Non, parce que je pensais il que... Il ne me semble pas, je ne l'ai pas noté. Ouais. Bah écoute, allons-y alors, hop. On dit ça. Peut-être faux, on a déjà galéré à avoir son nom, alors... Une femme arrive vers vous. Elle a un visage très fin, des longs cheveux noirs qui se dévisent au milieu de son visage et qui vient vraiment épouser ses contours. Hein. Des lèvres assez fines et des sourcils vraiment limite tellement fins que presque inexistants. Elle vient vers vous. Elle est du sud, tu visiblement, elle a pas l'air. Son nom fait très Istani. Alors pour le coup, Azinati a peut-être des connaissances un peu plus vénitiens. Mm-hmm. Avec un Z, d'accord. Ouais. Oui, avec un Z, effectivement. Azinati. Mm-hmm. Ouais. Dans tous les cas, elle s'approche de vous. Et oui, se toucher la nuque, être un peu stressé, ce qui est un peu normal quand tu es convoqué par des métropolites. Et bien, voilà. Bon, bonjour, je peux vous aider? Je pense que... Oui. Je te laisse, vas-y. Non, vas-y, toi. Alors, je pense que vous pouvez peut-être vous douter de notre présence ici. Oui, ça doit être pour... Le pauvre Photius. C'est ça. Mmh. Vous le connaissiez donc? Bien sûr. Je travaille avec lui. On travaillait au théâtre. Très bien. Vous aviez rendez-vous avec lui donc le soir où vous l'avez retrouvé, c'est ça? Non, du tout. J'avais oublié des affaires au théâtre et je suis venu les récupérer et j'ai entendu. Ah, d'accord. De la musique, et c'est comme ça que je l'ai trouvé. On n'avait rien vu de spécial. Lui. Ce soir-là, quelqu'un? Non, vu l'heure, c'est normal, Aaron était déjà reparti. Et... Il était quelle heure exactement? Je sais plus, c'était au milieu de la nuit, il devait être... Pas très loin du changement de jour, donc à une heure ou deux de minuit, je pense. À une heure ou deux de minuit. Oui, 23, 22, je... Ok. Vous faites quoi exactement dans ce théâtre? Quel est votre poste? Bah, j'y joue, j'aide à organiser énormément les rencontres, ce sont généralement mes élèves que j'emmène au théâtre, j'aide aussi à l'écriture, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, je n'ai pas beaucoup de temps à y dédier, mais j'écris sur mes temps perdus, mais je ne suis pas très bonne écrivaine de théâtre, je suis plus dans la poésie. Vous faites de la musique, mais vous êtes dans la musique ou juste le théâtre? Je ne joue pas de la musique, je suis sur scène, d'accord. À l'écriture et à l'organisation. Ah ouais, d'accord, tant pour moi. Quand est-ce que vous avez vu... quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? En vie, vous voulez dire? En vie, bah, effectivement, oui. C'était le même jour. C'était le même jour. En après-midi, je venais l'aider à écrire une nouvelle pièce et j'ai dû partir et notamment aider ma sœur Qu'est-ce que vous avez oublié? Justement, c'est du maquillage, de la représentation. Je l'avais emmené, d'habitude je le laisse au théâtre, mais j'en avais besoin justement pour ma sœur. Elle avait un rendez-vous pour jouer dans un théâtre un peu renommé, donc je m'étais dit que j'allais l'aider avec ça, et j'avais oublié. D'accord, d'accord. Quel théâtre? C'est un théâtre qui se trouve à quelques quartiers d'ici. C'est le théâtre. J'ai oublié son nom. C'est. Il y a Brun dans le nom. Je ne sais plus si vous voyez. Je m'intéresse pas particulièrement au théâtre, je dois vous avouer. Je suis plus dans la poésie. J'aide sur mon temps libre, mais je ne m'y connais pas beaucoup. D'accord. Vous le voyez peut-être, le théâtre Brun. Non? Non. C'est des masques. Nous avons un ami qui s'y connaît plus. Cette information devrait lui suffire pour nous compléter. Vous dire, je vous remercie. Et donc, évidemment... vous avez quitté le théâtre à quelle heure? Avant, enfin, je pense, avant, avec, avant que vous reveniez, bien sûr. Bien assez tôt dans l'après-midi, au l'heure du goûter, donc. 16h, quoi, 16h. À peu près. D'accord. Alors, il était plutôt de bonne humeur quand vous l'avez laissé. Oui, comme habituellement. Il n'y avait rien qui présageait. Aaron était présent? Non, je lui ai dit... Enfin, l'après-midi, oui, parce qu'il est à l'accueil jusqu'à tomber de la nuit que le théâtre ferme. Oui. D'accord, donc il est présent, Aaron était présent quand vous avez quitté les lieux. D'accord. Je regarde les collègues, s'ils ont quelque chose à dire. J'allais vous demander la question à cette fille, est-ce que vous auriez une idée de qui aurait pu lui en vouloir? Est-ce qu'il vous avait parlé de quoi que ce soit, qu'il se sentait en danger ou autre? Il a très peu d'ennemis, mais c'était, il me semble, embrouillé, fut à temps avec un homme du nom de Auguste Vachet. Nous avons déjà entendu parler de lui, en effet. Fautus a eu bien peu d'ennemis dans sa vie, donc malheureusement, je ne pense pas que vous allez avoir une liste de noms bien différents. Quelles étaient leurs raisons de leur dispute, déjà? C'est-à-dire que... Il voulait à Fautus d'avoir plus ou moins gâché sa carrière. D'accord. Il considérait que c'était de sa faute si il avait dû descendre en Basile alors qu'il gérait des théâtres plus tôt. Écoutez, pour ma part, je sais pas ce qu'il en est de vous, mes chers collègues, mais je pense avoir posé les questions que j'avais à poser. Pour moi, c'est bon, j'ai aussi eu les réponses que je souhaitais obtenir. Même chose. Bon, bah, vous la saluez, vous la remerciez de tout ça. Ah, merci d'avoir pris votre temps. De votre kiff. Enfin, une fois qu'on sort... Oui. J'en profite du coup pour en parler, faire un peu le briefing de tout ça avec eux. Écoutez, je pense qu'on est unanime pour dire que ce Vachet est très cité parmi les... C'est vrai que son nom a une certaine récurrence. Ah. Ensuite... Alors, on sait au moins que entre 16h et 22h, puisque c'est l'heure à peu près où elle est rentrée et qu'elle a découvert, hein, donc c'est l'heure de... Enfin, l'espace où le crime s'est produit. 23h. Voilà. Je suis peut-être trompé du coup. En fait, elle a dit 22-23h, quoi. Elle sait pas trop... L'heure exacte. Oui, d'accord, ok. Elle sait pas trop l'heure exacte. Ah oui, ok, oui, excuse-moi, j'ai mal interprété quelque chose, vas-y. Ouais, elle dit, ouais, 22-23 heures pour l'heure à laquelle elle a découvert le corps. Donc du coup, ça nous donne une fourchette à peu près entre 16h et allez, 23h, grand max. On peut même la resserrer parce qu'on sait qu'il est retourné en partant de chez lui. Ah, donc oui. C'est bizarre ça d'ailleurs, parce que, attends, il habite à 4h de là. Ça veut dire que s'ils se sont quittés vers 16h, ou alors il était déjà parti dans ce cas-là. Non, c'est l'heure à laquelle elle l'a vu pour la dernière fois, vivant. Bah, c'est bizarre, parce que du coup, s'il part, il met 4h pour rentrer chez lui, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui à 20h, c'est-à-dire que le temps qu'il revienne, il est minuit. Il y a déjà des incohérences. Alors, soit il a pris un mode de transport plus rapide, soit on est fait oui, c'est vrai. Aurait menti. C'est vrai, c'est vrai. Combien de temps tu mets à peu près en chaise porteuse pour aller du théâtre à chez lui? Charge porteuse, ça dépend de la vitesse des gens qui te portent. Peux gagner une heure sur le trajet, donc on va dire 3 heures. Par contre, s'il a un vélo personnel, qui est le seul mode de transport autorisé à Venise, dans ce cas-là, son temps de transport peut être drastiquement réduit à facilement une heure, voire 2 heures. Ça va dépendre de la route et de s'il y a des gens. Juste alors dans ce cas-là, je cours rapido retrouver la gronze si elle est dans le coin. Excusez-moi, mademoiselle, vous savez si Fotus a un vélo ou... Ah, oui, bien sûr. Enfin, oui. Vu le nombre d'allers-retours qu'il a parcouru entre chez lui, ça devenait nécessaire. C'est même un cadeau qui lui a été offert par son mari. D'accord, son d'accord. Ok, bah merci beaucoup. Ça va nous servir de savoir un peu pour l'enquête. D'accord. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore désolé pour la perte de votre collègue. Et je m'en vais. Donc je reviens voir les autres. Je fais effectivement, il a un vélo. Problème réglé alors. Voilà. En effet, moi, Auguste Vacher, ça m'intéresse vachement parce qu'un homme si amoureux du théâtre comme ça qui reprocherait quelqu'un d'avoir gâché sa carrière, c'est typiquement le genre de cas que je verrais mettre de la musique et essayer de tout mettre en scène pour faire passer ça pour quelqu'un d'autre. Alors bon, tant qu'on l'a pas rencontré en vrai, on pourra pas dire si c'est bien le cas, mais. Bah. Ah, ouais, il y a un petit truc, je trouve. Après, ce qui pourrait être sympa à faire aussi, c'est se renseigner sur ce disque. Si on arrive à retracer, enfin à retomber justement sur l'auteur ou le créateur de cette musique, on pourrait déjà avoir un expert peut-être. Si les disques sont pas, par exemple, proviennent pas d'usines différentes, est-ce qu'un expert serait capable de savoir d'où est-ce qu'elle provient? C'est une question un petit peu posée au MJ aussi. Si on se fie au témoignage de Victor, du coup, je pense qu'il serait intéressant de se diriger vers une loge antiquaire, vu que de ce que j'ai compris, c'était une musique qui est plutôt appréciée par la loge des antiquaires, qui pourrait peut-être nous diriger vers le créateur, peut-être. Dans ce cas-là, de nous trouver au QG. Et... Ouais. Du coup, tout ce quoi qu'on fasse, de toute manière, on remonte. Je pense que là, on a fait ce qu'on avait à faire en bas. Ok. Donc, en effet, on peut demander un rendez-vous au QG Indigo et puis, lorsqu'il arrive, on fait en sorte que tout le monde ait au moins le CD au moins une fois. Et puis... D'ailleurs, ça dure combien de temps un disque comme ça? Oh, ça peut durer bien assez longtemps s'il est bien conservé. Non, je veux dire en termes de durée. Le morceau dure quoi? 16 minutes? 1 heure? 40 minutes? Du coup, c'est-à-dire que quelqu'un le remettait à chaque fois? Non, c'est tout simplement... Il y aura une fonction qui remet le bras. Ouais, qui remet le bras pour rejouer le disque. C'est pour ça qu'il joue en boucle, en fait, depuis... Ouais. Ouais. Je me dis peut-être qu'il y aurait un petit œuf de Pâques à l'intérieur, j'en sais rien. On l'a pas si écouté on l'écoute en à l'envers, ça. Est-ce qu'on l'a écouté vraiment en entier? On est sûr d'avoir écouté en entier? Alors, vous êtes sûr, vous, tu sais pas, mais après, vous avez passé quand même pas mal de temps avec la musique qui tournait au fond. Oui, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait un petit truc. Sûrement. Ouais. Après, effectivement, vous n'avez pas passé le disque entier en étant concentré là-dessus. Mais il me semble l'avoir écouté au moins une soirée, une fois. À écouter ça, quoi. Mais, ouais, je pense que ce serait une bonne chose de passer à la loge des antiquaires. Pour savoir ce qu'ils en pensent et s'ils n'ont pas une idée du créateur. Très bien. Alors, question, c'est qu'est-ce que vous allez faire là maintenant tout de suite, sachant que vous vous situez mais la loge des antiquaires, de ce que vous savez vaguement, mais c'est plus ou moins ceux qui ne sont pas mis dans les loges officielles. Hein, donc c'est un peu des mécènes alternatives pour l'art. Et il y a d'ailleurs un gros jeu de pouvoir entre eux et les loges officielles, donc la musique, etc. Ça, on le sait assez rapidement, parce qu'en fait, il y a vraiment un concours de salons. C'est-à-dire qu'il y a les salons organisés par les antiquaires et les salons organisés par les loges officielles, entre guillemets. Donc avec l'un la vision des beaux-arts et l'autre la vision des artistes réprimandé par les beaux-arts, mais qui est en fait la vraie forme d'art. Enfin bref, il y a vraiment ce combat qui se passe. Il y a beaucoup de salons organisés à Venise. Bon, une fois, c'est une cité. Mais par contre, les antiquaires sont situés quand même assez loin géolocalement vis-à-vis de vous. Là, actuellement, votre quartier est quand même assez éloigné. Il faut vraiment traverser la ville, vraiment là, en long, en large, en travers. Il faut vraiment la traverser vraiment latéralement. C'est même pas là de la hauteur, c'est il faut la traverser. Donc c'est-à-dire qu'il faut remonter et redescendre, parce que c'est vraiment un labyrinthe, le truc. Donc ça, c'est assez... Entre cette... Enfin, la zone où seraient ces gens-là et le lieu de travail d'Auguste Vacher, si je me souviens bien, le Théâtre des Masques, lequel est le plus proche? Clairement, le Théâtre des Masques. On y va rapidement au Théâtre des Masques? Rapidement, on m'en répond à ça, ça va vous prendre du temps, parce que là il va falloir vous remonter en fait au niveau de la ville, plus ou moins au centre, et vous allez devoir repartir en suivant les morceaux de traverse pour justement rejoindre la musique, mais en fait c'est pas très loin de là où habite Hugo par exemple. Donc vous avez un bon trajet, vous pouvez compter au moins une demi-journée de marche, voire peut-être une journée entière si vous prenez des pauses, ce genre de choses. Quelle heure il est là? En ce moment. Alors là, du coup, le temps que vous avez discuté, il doit être aux alentours du 17h. Vous avez passé comme une bonne journée entre donc l'enquête. Là, ça vaut pas le coup d'y aller maintenant. Surtout que c'est sur la nuit. Le temps qu'on y aille, autant qu'on y aille demain matin, quoi. Bah justement, le théâtre s'est ouvert le soir, non? Alors effectivement, les grands théâtres sont ouverts journée et soir pour justement, comme je vous avais expliqué. Fonctionner avec les deux publics, puisqu'il y a des gens qui vivent la nuit et des gens qui vivent le jour. Ah oui, c'est vrai. Donc là, le théâtre. Parce que là, honnêtement, si on y va à 17h maintenant, s'il nous faut plus d'une demi-journée pour y aller, ça, c'est au-delà ça me fait de. Ça arriver très tôt le matin. Voilà. Autant qu'on se repose, qu'on réfléchisse à ça peut-être au QG. Vous pouvez vous reposer sur le chemin. Il y a plein de trucs qui sont prévus pour ça, des repos. J'ai une autre possibilité de choses à faire aussi, possiblement. Oui. Ce qui est une piste qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a bien l'histoire du tueur machine, mais même avant l'histoire du tueur machine, on avait l'histoire de l'autre tueur. Mm. Celui-là avant, l'histoire de l'artiste raté qui est devenu fou et qui tue les gens qui ressemblent à son frère. C'est vrai. C'est le glyphe, c'est ça? Ah ouais, c'est dans mon quartier, le quartier glyphe. Est-ce que les métropolites ont un truc du genre des archives pour ce genre d'affaires et tout ça? Est-ce qu'on peut regarder si le... Il y a effectivement des archives. Ça, j'avais déjà répondu il y a quelques temps, mais ça permet de restituer. Tout n'est pas gardé, évidemment. Il y a plein de trucs qui sont fondus, etc. Mais les métropolites ont plein d'archives, de documents qu'ils considèrent importants et qui ne doivent pas être du coup cramés. Si jamais vous êtes sur une affaire qui est assez importante vis-à-vis de ça, ça veut dire que vous avez des archives dessus. Si vous êtes face à une affaire qui n'a aucune importance, vous êtes sûr que vous n'aurez aucune archive. Du coup, les affaires importantes. Est-ce que ça, c'est proche? Oui, vous êtes quand même plus proche. En fait, pour être honnête, ça va être. Si vous allez au quartier de la Note, vous passez automatiquement pas très loin du bâtiment institutionnel des métropolites. C'est-à-dire que c'est aussi loin que le truc du masque, c'est ça? C'est pas aussi loin. Tu peux diviser par deux. Donc en gros, au lieu de marcher 12 heures, tu vas marcher 6. Ok. Si vous voulez, je sais pas. Bah franchement, quitte à faire ça, quitte à le faire, autant faire ça. Genre, parce que clairement, on n'aura pas le temps d'aller au quartier de pour le théâtre. Ça va faire trop tard. Du coup, on peut tout à fait faire ça et après se reposer, parce qu'on a quand même besoin de se reposer. Ouais. Et ouais, faire en sorte d'y aller le lendemain au théâtre pour voir Vacher. Sans que... En plus, vous pouvez être logé gratuitement quand c'est très temporaire au bâtiment institutionnel des métropolites. Hein, ils ont quelques emplacements pour ça. Il faut juste que tu n'as pas le droit de rester là une semaine parce qu'il te vient. Allons fouiller les dossiers, alors j'imagine. Tout les dossiers qui sont conservés, ils sont sur, ils sont gravés en gros sur du cuivre. Enfin, oui. Si c'est important. Alors, ça peut être des disques de cuivre, ça peut être des plaques de cire. En fait, ça vraiment dépend des supports. Déjà des agents qui ont travaillé, des documents qu'ils ont récupérés. Ouais. Ça peut être vraiment très variable. D'accord. Bah, écoute, moi je pourrais... Il faut être conscient d'une chose, c'est que si vous pouvez vous renseigner là-bas, tous les documents ne sont pas forcément stockés là-bas. Ils ont des petites casernes, ci et là, de documents stockés. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous aurez directement... Oui, mais on pourra toujours savoir où ça a été stocké. Au moins, ça vous permet au moins de demander, ouais. Voilà. Bah, allons-y, moi, je suis bien pour ça. Alors, du coup, vous vous mettez en route. Hein. Et vous avez marché, du coup, pendant une bonne sixaine d'heures. Quoi que ça veut dire. On aura beaucoup marché. 4 heures, 10 heures de marche aujourd'hui. Hey, on dit demi-douzaine, je crois. Ouais. Ce n'est pas incroyable. Vous êtes dans un monde où la marche est vraiment le mode de locomotion le plus basique au monde. On a des sacrés mollets. Oui, clairement. Surtout à Venise, hein, parce que je rappelle, c'est une des rares villes qui n'autorise pas les véhicules. Donc à Venise, vous êtes des sacrés athlètes. Après, il y a beaucoup de gens qui passent par le vélo et les trucs portés. J'arrive vraiment pas à revenir sur mode de transport. Faudra qu'on s'achète des vélos, les gars. Ouais. En tout cas, pendant que vous êtes en train de marcher, alors que la nuit est en train de tomber et que les crimes en train de disparaître petit à petit, n'étant plus forcément éclairés par le soleil, Kornilov, donne-moi tes pensées, comment tu te sens actuellement, dis-moi tout. Je suis très intrigué par cette affaire. Je dois dire que là, on va dire que vraiment, je suis passionné par ça. On va dire que vraiment, je suis motivé. Tu vois, j'ai l'énergie qui me donne envie de savoir ce que c'est que tout ce bordel. Et voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Je suis vraiment... Je suis dans l'enquête. Ça fait deux fois que je suis dans une enquête.